Chapitre 3e. Monsieur Saint-Hérem rencontrait pour la première fois de sa vie la comtesse de Domaloff et sa tante la princesse Vileska, mais il connaissait depuis longtemps monsieur de Riencourt. Aussi, le voyant entrer dans le salon, accompagné de deux femmes, Florestan alla vivement à sa rencontre. « Mon cher Saint-Hérem, lui dit monsieur de Riencourt, permettez-moi de vous présenter à madame la princesse Vileska et à madame la comtesse Domaloff. Ces dames n'ont pas cru être indiscrètes en venant avec moi visiter votre hôtel et ses merveilles, selon l'invitation que vous m'avez faite hier. « Mon cher duc, reprit Florestan, je suis très heureux d'avoir l'honneur de recevoir ces dames, et je m'empresse de me mettre à leurs ordres, pour vous montrer ce que vous voulez bien appeler les merveilles de cette maison. « Monsieur de Riencourt a raison de parler de merveilles, reprit madame Domaloff, car je vous l'avoue, monsieur, on est, en entrant ici, tellement ébloui, que l'on ne peut tout d'abord admirer en conscience. « S'il faut tout vous dire, mon cher Saint-Hérem, reprit monsieur de Riencourt, la visite de madame la comtesse Domaloff est un peu intéressée, car je lui ai fait part de vos intentions au sujet de cet hôtel, et comme je serai assez heureux pour avoir l'honneur de donner dans 8 jours mon nom à madame la comtesse, vous sentez que je ne pouvais rien décider sans elle, puisqu'enfin je suis à peu près un mari. Franchement, madame, dès que monsieur de Riencourt anticipe ainsi sur son bonheur, dit gaiement Florestan à madame Domaloff, ne trouvez-vous pas juste qu'il subisse toutes les conséquences de sa révélation? Or, comme un mari ne donne jamais le bras à sa femme, vous me ferez peut-être la grâce d'accepter le mien. Saint-Hérem s'épargnait par cette plaisanterie l'obligation d'offrir, selon les convenances, son bras à la princesse Vileska, qui lui semblait beaucoup moins agréable à accompagner que sa jeune et jolie nièce. Celle-ci accepta l'offre de Florestan et prit son bras, tandis que M. de Riencourt conduisait la princesse. « J'ai beaucoup voyagé, monsieur, » disait Mme Domaloff à Saint-Hérem, « et je n'ai jamais rien vu qui pût approcher, non pas de cette magnificence. » Le premier millionnaire venu peut acheter de la magnificence pour son argent, mais rien qui peut approcher du goût merveilleux qui a présidé à la construction de cet hôtel. C'est réellement un musée splendide. Permettez-moi de grâce d'admirer encore les superbes peintures de ce plafond. Après l'admiration de l'œuvre, doit venir la récompense de l'auteur. N'est-il pas vrai, madame ? Dit Florestan en souriant. Aussi dépend-il de vous de rendre très heureux et très fier le grand artiste qui a peint ce plafond. Et Saint-Hérem désigna à madame Domaloff un des plus illustres maîtres de l'école moderne. « Ah, 1000 fois merci, monsieur, de me procurer une pareille fortune !» dit la jeune femme en s'avançant avec Florestan au-devant de l'artiste. « Mon ami, lui dit Saint-Hérem, madame la comtesse Domaloff désire vous dire toute son admiration pour votre œuvre. « Et ce n'est pas seulement mon admiration que je vous exprime, monsieur, mais encore ma reconnaissance, » dit gracieusement la jeune femme au grand peintre. « Le noble plaisir que cause la vue d'un tel chef-d'œuvre est une dette que l'on contracte envers celui qui l'a créé. » « Si flatteur, si précieux que me soit cet éloge, » répondit l'éminent artiste avec une modestie remplie de bon goût, afin de détourner le compliment qu'on lui adressait, « cet éloge, je ne puis l'accepter qu'à demi. » Mais souffrez que je me mette hors de cause, l'expression de ma pensée sera plus libre. Parlons, par exemple, des peintures de la galerie des concerts que vous admirerez tout à l'heure. Elles sont dues à notre Raphaël. Ai-je besoin, madame, de vous nommer monsieur Ingres? Eh bien, cette œuvre monumentale, qui doit dans l'avenir fournir aux pieux pèlerins de l'art autant de sujets d'adoration que les plus belles fresques de Rome, de Pise ou de Florence, ce chef-d'œuvre, en un mot, n'existerait peut-être pas sans mon excellent ami Saint-Hérem. N'est-ce pas lui qui a donné au Raphaël français le prétexte d'une de ses pages immortelles? Franchement, madame, par ce temps de gros luxe et de brutale magnificence financière, n'est-ce donc pas un phénomène de rencontrer un Médicis comme au plus beau temps des républiques italiennes? Il est vrai, monsieur, reprit vivement la comtesse Domaloff, et l'histoire a été juste en illustrant. « Pardonnez-moi si je vous interromps, madame la comtesse, » dit Saint-Hérem en souriant, « mais je suis non moins modeste que mon illustre ami, aussi de crainte de laisser s'égarer votre admiration, je dois vous signaler le véritable Médicis, le voici. » Et Florestan indiqua du geste à madame Domaloff le portrait de saint Ramon. « Quelle figure austère et pensive !» dit la jeune femme en examinant cette peinture avec autant de surprise que de curiosité. « Puis, ayant lu au milieu du cartouche le nom de Saint Ramon, elle ajouta en regardant Florestan avec un étonnement croissant. « Saint Ramon, quel est ce saint ?»« Un saint de ma façon, madame. C'est mon oncle, » reprit gaiement Florestan. « Quoique je ne sois pas encore pape, je me suis permis de canoniser un peu cet admirable homme en récompense du long martyre de sa vie et des miracles qu'il a fait après sa mort. »« Le long martyre de sa vie, les miracles qu'il a fait après sa mort, » répéta Madame Zomaloff, en regardant Florestan comme si elle eût douté de ses paroles. « Franchement, monsieur, c'est une plaisanterie. »« Pas du tout, madame. Mon oncle Ramon a enduré pendant sa longue vie des privations atroces, car il était d'une impitoyable et sublime avarice. Voilà pour son martyre. J'ai hérité de lui des biens considérables. Ils ont enfanté ces prodiges de l'art que vous admirez, madame. Voilà pour ses miracles. J'ai divinisé son souvenir par reconnaissance. Voilà pour sa canonisation. Vous le voyez, c'est une véritable légende de la vie des saints. » Madame Zomaloff, de plus en plus frappée de l'originalité de Saint-Hérem, garda un moment de silence pendant lequel M. de Riencourt, qui s'était jusqu'alors tenu à quelque distance, s'approcha de Florestan et lui dit « Mon cher Florestan, j'ai depuis notre arrivée une question à vous adresser. Qu'est-ce que donc que tous ces gens qui sont ici ? J'ai bien reconnu par-ci par-là trois ou quatre grands peintres et un architecte renommé, donnant le bras à leurs femmes sans doute, mais les autres, qu'est-ce que c'est donc ça ? Moi et la princesse, nous cherchons en vain le mot de l'énigme. Tout ce monde-là me paraît d'ailleurs tranquille et réservé. Ces petites jeunes personnes ont l'air modestes. Il y en a même de fort gentils. Mais encore une fois, qu'est-ce donc que cette société-là ? Madame Zomaloff, rompant le silence qu'elle gardait depuis quelques instants, dit à Saint-Hérem : Puisque M. de Riencourt a pris sur lui de vous adresser, monsieur, une question peut-être indiscrète, je vous avouerai que je partage sa curiosité. Vous avez sans doute remarqué, madame, dit Saint-Hérem en souriant, que la plupart des personnes que j'ai réunies ce soir chez moi avec un plaisir extrême n'appartiennent pas à ce que notre petit monde aristocratique appelle le grand monde. Il est vrai, monsieur. Cependant, madame, tout à l'heure vous avez été heureuse, n'est-ce pas, de rencontrer ici le grand artiste auteur de la coupole que vous avez tant admiré. En effet, monsieur, je vous ai dit le plaisir que me causait cette rencontre. Vous m'approuvez aussi, je pense, de l'avoir invité ainsi que plusieurs de ses collègues à l'inauguration de leur œuvre commune. Il me semble que cette invitation devenait presque un devoir pour vous, monsieur. Eh bien, madame, ce devoir, inspiré par la gratitude, j'ai voulu le remplir envers tous ceux qui ont concouru, de quelque manière que ce soit, à la construction de cet hôtel, depuis les plus grands artistes jusqu'aux plus humbles artisans. Tous sont ici avec leurs familles, jouissant à bon droit des magnificences qu'ils ont créées. Voyons, madame, n'est-il pas juste que l'habile et obscur ouvrier qui a ciselé la coupe d'or puisse au moins une fois y tremper ses lèvres ? Comment ? S'écria M. de Riencourt, stupéfait. Il y aurait ici des menuisiers, des doreurs, des serruriers, des tapissiers, des charpentiers, des ébénistes, des maçons. Quoi ? Il y aurait jusqu'à des maçons ? Mais c'est inouï, exorbitant, incroyable ! Mon cher duc, connaissez-vous les mœurs des abeilles ? Fort peu. Ces mœurs-là, mon cher duc, sont des plus sauvages, des plus impertinentes. Ces insolentes mouches, sous ce fabuleux prétexte qu'elles ont construit leurs alvéoles, n'ont-elles pas la prétention de les habiter ? Bien plus, scandale énorme, elles parlent de leur droit au miel parfumé qu'elles ont élaboré pour l'hiver avec tant de peine et d'intelligence. Eh bien, mon cher, que concluez-vous de là ? Je conclus de là qu'il faut, au moins par reconnaissance, donner aux pauvres et laborieuses abeilles humaines l'innocent plaisir d'habiter un jour l'alvéole dorée qu'ils ont bâtie pour nous. Frelons oisifs, pour nous qui savourons le miel recueilli par autrui. Madame Zomaloff avait un instant quitté le bras de Florestan. Elle reprit, et faisant quelques pas afin de laisser derrière elle sa tante et M. de Riencourt, elle dit à Saint-Hérem avec émotion « Monsieur, votre idée est charmante, plus que cela, elle est d'une touchante délicatesse. Je ne m'étonne plus maintenant de l'expression de contentement que je remarquais sur les traits de tous vos invités. Oui, plus j'y songe, plus cette pensée me paraît généreuse et juste. Après tout, ainsi que vous le dites, c'est l'œuvre commune de ces laborieux artisans, et c'est honorer, dignifier le travail que de lui donner une pareille fête. Aussi, monsieur, d'après votre manière élevée d'envisager les choses, cet hôtel doit être à vos yeux bien plus encore qu'une jouissance d'art et de luxe. À sa création se rattacheront toujours pour vous de précieux souvenirs. Certes, madame. Alors, monsieur. Achevez, madame. Il m'est impossible de comprendre comment... Vous hésitez, madame. De grâce, expliquez votre pensée. Monsieur. Reprit madame Zobanoff avec embarras et après un moment de silence. Monsieur de Riencourt ne vous a point laissé ignorer notre prochain mariage. Il y a 2 jours, causant avec lui de l'assez grande difficulté de trouver un hôtel aussi vaste et aussi somptueux que je le désirais, monsieur de Riencourt crut se rappeler que la veille, on lui avait assuré que vous consentiriez peut-être à vous défaire de cette habitation achevée d'hier. En effet, madame, monsieur de Riencourt m'a écrit pour me demander à visiter l'hôtel. Je l'ai prié d'attendre jusqu'à aujourd'hui, lui disant que je donnais une fête, et qu'il pourrait aussi beaucoup mieux juger de l'ensemble des appartements de réception. Mais je ne m'attendais pas, madame, à avoir l'honneur de vous recevoir. Monsieur, reprit la jeune femme avec une nouvelle hésitation, je me suis déjà permis de vous adresser plusieurs questions. Soyez donc indulgent encore une fois. L'indulgence m'a été jusqu'ici, madame, si agréable et si douce, que je vous remercie de me donner l'occasion de l'exercer encore. Voyons, de quoi s'agit-il ? Eh bien, monsieur, reprit résolument madame Zobanoff, comment avez-vous eu le courage ou... Je vais dire un mot bien dur, ajouta-t-elle en souriant d'un air presque mélancolique. Comment avez-vous l'ingratitude d'abandonner cette demeure que vous avez créée avec tant d'amour ? Cette demeure à laquelle se rattachent déjà pour vous tant de bons et généreux souvenirs. Mon Dieu, madame, répondit Saint-Hérème, de l'air le plus riant, le plus dégagé, et comme s'il disait la chose la plus simple du monde, je vends cet hôtel parce que je suis ruiné, complètement ruiné. C'est aujourd'hui mon dernier jour de fortune, et vous m'avouerez, madame, que grâce à votre présence ici, ce jour ne pouvait avoir un soir plus brillant et plus heureux.